Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Nous allons revenir dans notre étude de Daniel sur cette vision fondamentale de Nebuchadnezzar, la grande statue composée de ces quatre métaux dont nous avons parlé hier, statue qui est anéantie par cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main de la montagne et qui va ensuite remplir toute la terre. Et nous avons vu que cette grande statue et les quatre métaux qui la composent sont quatre empires qui doivent se succéder sur la surface de la terre jusqu'à la fin des temps et qui doivent être remplacés, dont l'élimination est la condition sine qua non pour l'établissement du royaume de Dieu. Ça veut dire de la présence de Jésus venant dans sa gloire au dernier jour et instaurant un règne véritable sur la terre. Ce n'est pas quelque chose de symbolique, ce n'est pas quelque chose d'allégorique, mais c'est une réalité qui sera une réalité aussi réelle que sont actuellement les différents gouvernements humains qui nous dirigent et qui sont des gouvernements, comme nous aurons l'occasion de le voir, qui sont manipulés par l'adversaire. Satan est le prince de ce monde. Il le rappelle opportunément à Jésus, par exemple, dans une des trois tentations du désert, quand il lui dit, en l'invitant à se prosterner devant lui, « Je te donne tous ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, car ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. » Et comme le disait le regretté professeur Jacques Ellul, aujourd'hui, pour pouvoir avoir part au gouvernement des royaumes de la terre, d'une manière ou d'une autre, il faut se prosterner devant Satan. Il en parlait en connaissance de cause, lui qui avait abandonné une carrière politique juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il avait effectivement constaté que, au petit niveau qu'il avait déjà atteint, il était obligé de faire des compromis avec la justice, avec la vérité, avec la parole de Dieu, autrement dit, à se prosterner devant Satan. Bon, je ferme la parenthèse. Je voudrais revenir ce matin sur ces quatre empires, et plus particulièrement sur le quatrième empire. Finalement, c'est l'empire le plus important, parce que les trois empires précédents, ils ont disparu de la scène de l'histoire, ils ne nous concernent plus, ils n'intéressent plus que quelques historiens. Mais le plus important, c'est le quatrième empire, le quatrième royaume, puisque c'est ce royaume-là qui non seulement doit subsister jusqu'à la fin, mais doit être frappé à mort par la venue du Seigneur, par l'avènement du royaume de Dieu, et par conséquent, il doit être évacué pour laisser place à l'avènement de ce royaume de Dieu. Or, l'identification du quatrième empire n'est pas facile. Les trois premiers empires, j'en ai parlé brièvement hier, ils sont relativement faciles à identifier. L'identité de ce premier empire nous est donnée par Daniel lui-même. Il dit au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, au roi, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi viendra un autre royaume qu'il ne nomme pas. Mais il suffit de prendre n'importe quel livre d'histoire pour identifier à coup sûr, ce royaume, c'est le royaume des Perses, l'Empire Perse. Et puis, à ce royaume succède un troisième empire, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, de Grèce par conséquent, anéantit l'Empire Perse et le supplante. Maintenant, il y a le quatrième royaume. ce quatrième royaume représenté par les jambes de fer de la statue, les pieds et les orteils en partie de fer et en partie d'argile. Et là, les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Les modernes en particulier veulent considérer le livre de Daniel comme se référant à des événements qui sont entièrement passés et qui par conséquent n'ont plus rien à voir avec notre temps. On part d'un point de vue rationaliste qui nie la réalité du miracle, la réalité par conséquent de l'inspiration prophétique. Daniel n'était pas inspiré, d'ailleurs Daniel, diront certains, c'est un personnage qui n'est même pas un personnage historique. Et tous ces événements qui sont décrits dans le livre du prophète Daniel ont trouvé leur accomplissement après la conquête du pays d'Israël, de la Judée, par Alexandre le Grand, lorsque un des successeurs d'Alexandre le Grand a pris le pouvoir de la Judée et a, en principe, accompli tout ce que le livre du prophète Daniel annonce. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et pour les modernes, le quatrième empire serait ce petit royaume. Ça veut dire un quart de l'empire d'Alexandre le Grand. Vous savez, Alexandre le Grand est mort quelques années après ses conquêtes, en pleine jeunesse. Il avait une trentaine d'années quand il est mort. Et son royaume a été divisé entre quatre de ses généraux, et en particulier deux, Ptolémée qui a pris le contrôle de l'Égypte, et Séleucus qui a pris le contrôle de la partie nord de l'Empire d'Alexandre, c'est-à-dire la Syrie, essentiellement la Syrie, disons. Et en 165 avant Jésus-Christ, un roi extrêmement imbu de lui-même, Antiochus IV Épiphane, descendant de cette famille des Séleucides, a aboli le culte de Dieu à Jérusalem. Il a interdit tout ce qui appartenait à la parole de Dieu. Le peuple juif n'avait plus le droit de vivre la Torah. La Torah était bannie, elle était exclue. Et le peuple d'Israël devait adopter de gré ou de force la religion grecque. Le temple de Jérusalem a été profané. Il est devenu le temple de Zeus Olympien, le chef des dieux du panthéon grec. Et une statue du roi Antiochus Épiphane en forme de ce Zeus Olympien a été dressée dans le lieu très saint. Et sur l'autel ont été offerts des porcs. Par conséquent, ça a été une profanation épouvantable. Et le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël, a résisté à cette hellénisation forcée. Une autre partie était pour. Mais une autre partie a résisté à cette hellénisation forcée et a entrepris une révolte armée pour chasser les Syriens du pays. C'est ce que l'on appelle la révolte des Maccabées. Cette révolte a duré 3 ans et demi environ, et au bout d'une lutte absolument inégale, car l'armée séleucide était à l'époque la première armée du monde, ce petit groupe de combattants groupés autour de la famille des Asmonéens, ou autrement dit des Maccabées, est parvenu à chasser les Syriens de Jérusalem, à retrouver l'indépendance du pays, à purifier le temple, à détruire l'idole du roi qui se trouvait dans le temple et à reconsacrer ce temple à Dieu. Et le peuple d'Israël a gardé son indépendance jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, lorsque le général romain Pompée a mis fin à l'indépendance que les Maccabées avaient reconquise en ce qui concernait le peuple d'Israël. Et pour les historiens modernes, le livre de Daniel concerne essentiellement cette période que l'on appelle la révolte des Maccabées ou la révolte des Asmonéens. Par conséquent, tout ce qui aurait été écrit concernerait cette période, et le quatrième royaume dont il est question, c'est précisément ce royaume séleucide. Alors que faut-il penser de cette thèse, que vous trouvez maintenant répandue dans la plupart des notes des Bibles modernes que vous pouvez acheter? Par exemple, c'est ce qu'on trouve dans la Taube, c'est ce qu'on trouve dans d'autres éditions de ce type-là. Or, il y a deux remarques à faire par rapport à cette théorie. La première, c'est que le peuple d'Israël était bien conscient qu'il y avait eu à cette période un accomplissement partiel des prophéties, mais que le livre du prophète Daniel allait bien au-delà de cette période. Et c'est à peu près à ce moment-là que nous avons un livre qui n'est pas considéré comme inspiré. On appelle ça le livre du quatrième Ezra. Et dans ce livre, pour la première fois dans la littérature juive, le quatrième empire est identifié. Et ce quatrième empire n'a rien à voir avec l'empire séleucide, mais il est qualifié de l'empire romain. Un ange parle à l'auteur du livre et lui dit à peu près ceci. Le quatrième empire que ton frère Daniel a vu, c'est celui qui domine actuellement sur ton peuple. Et le livre d'Ezra a été écrit après la conquête de la Judée par les Romains, par Pompée. Donc l'identification du quatrième empire est absolument indiscutable si l'on prend ce livre. Il s'agit bel et bien de l'empire romain et non pas de l'empire séleucide. Maintenant, il y a un autre point qui va dans le même sens et qui lui est tiré du Nouveau Testament et qui pour nous évidemment est décisif. Dans le grand discours que Jésus proclame sur le mont des Oliviers et qui concerne son retour, discours sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, Jésus met en garde les disciples. Ces derniers lui ont posé une question qui nous brûle tous, j'imagine, la langue. Seigneur, quand ces choses auront-elles lieu? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Et Jésus met en garde contre ce qui pourrait être pris pour des signes et qui ne le seront pas. Il dit, quand vous verrez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des pestes, etc., ne soyez pas troublés, car ça, ce ne seront pas des signes. Faisons très attention à ça, parce que dans certains milieux, vous dites, ah, vous voyez, il y a un tremblement de terre à Haïti, il y a un tremblement de terre au Japon, c'est le signe que le Seigneur revient. Non, absolument pas. Ces choses-là ne seront pas des signes, nous dit Jésus. Des événements de ce type-là, il y en a toujours eu dans l'histoire et il y en aura toujours. Ça fait partie du train de ce monde tel qu'il est. Mais, nous dit Jésus, quand vous verrez établi au lieu saint l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Jésus disait ces choses dans les années 30 et quelques après le début de notre ère, à l'époque où la Judée était sous la domination de l'Empire romain. Jésus savait parfaitement que il y avait eu un accomplissement partiel de cette prophétie en 163 avant Jésus-Christ, lors de la révolte des Maccabées. Et pourtant, pour lui, cet événement annoncé par le prophète Daniel était encore à venir. Par conséquent, il aurait été en désaccord avec les modernes qui pensent que tout est accompli à l'époque de la révolte des Maccabées et d'Antiochus Épiphane. l'Empire romain. L'Empire romain, c'était un empire extrêmement particulier. Et c'était un empire totalitaire, dans ce sens qu'il ne supportait aucune critique, ni contre l'empereur, ni contre la puissance romaine. Les sources de l'époque nous disent que Auguste, le premier des empereurs romains, a donné l'ordre à ses sbires de traquer sans pitié tous les écrits subversifs qui pouvaient mettre en doute la puissance, la stabilité et la durée de l'Empire romain. Il était donc interdit de critiquer l'Empire romain dans toutes les frontières de cet empire. Or, dans l'Empire romain, il y avait un peuple qui ne pouvait pas supporter l'Empire romain. Le peuple le plus anti-romain que l'on trouvait dans l'Empire, c'était le peuple juif. Le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que pour lui, cet empire romain était le pire empire, si j'ose dire, qui ait vécu sur la surface de la terre, parce qu'il avait divinisé son empereur de son vivant. Et la pire abomination, le pire crime que l'on pouvait commettre pour un juif de cette période, c'était de diviniser un homme. Et voyez-vous, Auguste, qui portait son nom d'état civil, c'était Octave, avait changé son nom en Augustus, ça se dit Sébasté en grec, ça veut dire d'essence divine. Et on avait dressé un peu partout dans l'Empire des temples où l'empereur était adoré comme un dieu. Et ça, les Juifs ne pouvaient pas le supporter. Et on appelait cet empire, dans le judaïsme de l'époque, l'empire du méchant, l'empire impie. Et on essayait de voir comment on pouvait se débarrasser de l'influence et du pouvoir de cet empire. Seulement, nous l'avons vu tout à l'heure, il était interdit de le critiquer. Alors, on employait des subterfuges. Et, bien entendu, on ne désignait pas d'une manière explicite l'Empire romain, sinon on se retrouvait en prison, ou dans les arènes avec les lions, ou dans les mines de sel en Sardaigne, et autres agréments du même genre. Alors on employait des mots codés que les Romains ne pouvaient pas comprendre. Par exemple, dans les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, les Romains sont appelés les Kittim, ça veut dire les habitants de l'île de Chypre. Et quand les Romains lisaient ces textes, ils voyaient des diatribes absolument terribles contre les Kittim, et ils se disaient, mais qu'est-ce que les Juifs ont contre ces gens de l'île de Chypre? Ils ne comprenaient pas que c'était d'eux qu'il s'agissait. Alors on employait désignation codée pour désigner l'Empire romain. Une de ces désignations, c'était les nations. Parce que l'Empire romain était un conglomérat, une mosaïque de nations différentes. Et vous retrouvez ça aussi dans notre histoire de la statue de Daniel, avec les dix orteils de la statue. 10 orteils qui sont expliqués dans le livre de l'Apocalypse comme constituant 10 royaumes. Alors 10 royaumes, soyons clairs, ce n'est pas un chiffre à prendre à la lettre. Dans toutes les Apocalypses, il y a une symbolique des chiffres. 10, c'est le chiffre d'une plénitude humaine. Ça veut dire, si nous traduisons en langage moderne cette expression 10 orteils, 10 royaumes, et il nous faut comprendre un certain nombre de royaumes, une plénitude humaine de royaumes, mais il ne faut pas compter 10 exactement. Alors on appelait l'Empire romain les nations. Et vous trouvez souvent cette expression dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Jésus annonce sa mort, dans l'évangile de Matthieu notamment, il y a trois annonces de la Passion. Et Jésus va désigner d'une manière explicite ce que seront ses assassins. Selon une vieille tradition antisémite de nos églises, ceux qui ont mis à mort Jésus sont les Juifs. Et cette idée est quelque chose qui est encore malheureusement répandu dans bien des consciences chrétiennes, même si historiquement et bibliquement c'est entièrement faux. Mais dans ces trois annonces de la Passion, Jésus, lui, va désigner d'une manière explicite ses assassins. Il dit à ses disciples, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations qui vont le crucifier, le mettre à mort. » C'était une manière de dire, Jésus va être, le Messie va être livré entre les mains des Romains, les nations. Ça, les Romains étaient incapables de le comprendre, mais il est évident que les lecteurs de l'évangile de Matthieu savaient parfaitement ce que voulaient dire les nations. Nous avons un autre texte aussi, toujours dans ces discours que Jésus prononce sur la fin des temps, un discours qui nous est, une parole, on appelle ça un logion, qui a été gardée uniquement par Luc dans le chapitre 21 de son livre. Il nous dit ceci. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Là aussi, Jésus désigne d'une manière directe quels sont ceux qui vont mettre fin à l'existence de Jérusalem et proclamer ce dernier exil qui sera celui que nous sommes en train, dont nous sommes en train de vivre la fin. Ceux qui vont détruire Jérusalem et la fouler aux pieds, ce sont les nations, c'est-à-dire les Romains. Et cette expression « fouler aux pieds », nous la retrouverons aussi dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Et puis, il y a un autre texte où Jésus aussi désigne les Romains comme étant les nations. C'est le soir de Pâques où, après la dernière scène, éclate, nous dit l'évangéliste Luc dans le chapitre 22 de son évangile, une dispute entre les disciples pour savoir qui est parmi eux le plus grand. Et Jésus déclare ceci. Les rois des nations les tyrannisent, et ceux qui dominent sur eux se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, mais que le plus grand soit comme celui qui sert. Ça veut dire, prenez exactement le contre-pied parmi vous de ce qui se passe parmi les nations, c'est-à-dire parmi l'Empire romain, où non seulement l'empereur est divinisé, mais on est obligé de l'encenser, de l'adorer, de le proclamer bienfaiteur alors que c'est un abominable tyran. Alors, démarquez-vous totalement de cette ligne de conduite. Maintenant, dans ce texte, il y a une autre allusion à un passage de l'Écriture. Et ça, il faut un peu de sagacité pour le comprendre. Donc, nous avons vu, il y avait au moins deux manières de désigner les Romains, les Kittim, les habitants de Chypre, les nations. Et puis, il y en avait une troisième. C'était le mot Édom. Édom était en réalité un deuxième nom d'Ésaü, le frère de Jacob. Vous vous souvenez que Rebecca, la femme d'Isaac, a donné naissance à des jumeaux. Le premier, l'aîné, a reçu le nom d'Ésaü, et Esav en hébreu, ça veut dire le velu, parce que il est né avec un duvet sur le corps, et qui plus est, ce duvet était roux. Alors on l'appelait Édom, ça veut dire le roux. Et ensuite est sorti son frère Jacob, qui tenait le talon de son frère dans sa main. Et on l'a appelé Yaakov, du mot qui signifie le talon. On pourrait traduire Jacob, Yaakov, de la manière suivante, le talonneur. C'est la signification du nom de Jacob. Maintenant, ces deux frères, il en est question dans le chapitre 25 du livre de la Genèse, alors que leur mère était enceinte d'eux, ils étaient déjà en train de se battre dans son ventre. C'est quand même pas banal. Et Rebecca, qui sentait ce qui se passait en elle, elle comprenait bien que c'était un combat entre les deux enfants. Elle a compris que c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire et elle est allée consulter l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Si, alors qu'ils ne sont pas nés, ces deux garçons sont déjà en train de se battre, qu'est-ce que ça va être quand ils seront nés? Et le Seigneur lui répond, lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples vont se séparer au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit et le plus petit dominera sur lui. Comparez ce texte avec celui de Luc 22 que j'évoquais tout à l'heure. Les rois des nations les tyrannisent et ceux qui dominent sur eux se font appeler bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, que le plus grand soit comme celui qui sert, que le plus grand soit comme le dernier. Et ça, c'est une allusion à ce texte de Genèse 25, où le prophète dit à Rebecca, de la part de Dieu, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et Jésus ici reprend cette vieille tradition qui voulait que on emploie pour les Romains le nom d'Édom. C'était un mot codé. Édom, le frère de Jacob. Et Jésus ici reprend un thème très très répandu chez les prophètes. Tous les prophètes, quand ils parlent de la venue du Seigneur, la venue du royaume au dernier jour, disent que quand le royaume de Dieu viendra, le sort de chaque être humain sera totalement bouleversé. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Les exégètes appellent ça l'inversion prophétique. Jésus a souvent développé ce thème et il l'a résumé dans une expression qui est devenue proverbiale également dans notre société laïque. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous retrouvez cette idée d'une inversion prophétique dans le cantique de Marie, que l'on appelle le Magnificat. Marie, inspirée par le Saint-Esprit, se met à parler dans ce qu'on appelle le parfait prophétique. Ça veut dire comme les prophètes avant elle. Elle parle au passé de choses qui sont à venir. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Et il parle des choses qui ne sont pas comme si déjà elles étaient. Et sous l'influence du Saint-Esprit, Marie déclare ceci. Il a renversé les grands de leur trône. Il a renvoyé les riches à vide. Mais il a élevé les humbles. Et il s'est souvenu d'Israël, son serviteur. C'est la même pensée que celle que vous trouvez dans les Béatitudes, et notamment dans la version qu'en donne Luc, qui est un petit peu différente de celle que nous trouvons dans Matthieu. Et dans la version qu'en donne Luc, nous trouvons à peu près ceci. Heureux, vous qui êtes pauvres maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous deviendrez riches. Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez rassasiés. Et ça continue comme ça. Et Luc ajoute des paroles de Jésus que Matthieu a omises. Et en parallèle avec ces béatitudes, il y a des malédictions. Mais malheureux vous qui êtes riches maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez dépouillés de vos biens. Malheureux, vous qui êtes rassasiés maintenant, car quand le royaume de Dieu sera venu, eh bien, vous serez dans la disette. Malheureux, vous qui riez maintenant, qui vous réjouissez maintenant, parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous pleurerez. Nous sommes à fond dans ce thème de l'inversion prophétique. Tout ce qui touche l'avenir, l'au-delà, est marqué par ce bouleversement du jour du sort de chacun. Vous trouvez ça aussi dans une autre parabole très connue, la parabole du mauvais riche et Lazare. Le mauvais riche, il a passé toute sa vie à banqueter. Sa vie n'a été rien d'autre qu'un banquet interminable. Et sur le pas de sa porte, il y avait ce pauvre Lazare qui était couvert d'ulcères et qui n'avait pour toute nourriture que les miettes qui tombaient de la table du riche. Jamais le riche n'a eu un geste de compassion à son endroit. Et tous les deux meurent. Ils se retrouvent dans l'au-delà et le pauvre se retrouve, nous est-il dit, dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que cette expression bizarre, le sein d'Abraham? Ça veut dire, il se retrouve à la place d'honneur au banquet eschatologique. La place d'honneur, c'est à la droite de celui qui préside. On était couché, vous savez, sur des lits, comme les Romains à l'époque, appuyés sur le coude gauche. On plongeait la main droite dans le plat et on le ramenait à la bouche. Et par conséquent, celui qui était à la place d'honneur, à la droite de celui qui présidait, Abraham en l'occurrence, quand il voulait parler à celui qui était à sa gauche, devait se pencher sur sa poitrine comme ça. Vous trouvez ça aussi avec l'histoire de Jean qui était penché sur la poitrine de Jésus le soir du dernier repas. Voilà ce Lazare qui a été le dernier au banquet de ce monde, qui se retrouve à la place d'honneur dans le banquet eschatologique. Les premiers seront les derniers. Quant au mauvais riche qui a eu la première place dans ce monde, dans le monde qui vient, il est à la dernière place. Et voilà, c'est ce qui va se passer au jour dernier, nous dit ici le texte que nous avons lu dans Luc 22, aujourd'hui. C'est Édom qui domine sur Israël. C'est Édom qui est le premier. C'est son roi qui est divinisé. C'est son roi qui est encensé, magnifié comme bienfaiteur. Et Israël, comme Jacob, qui était le petit par rapport à son frère aîné, qui était Ésaü, est sous la domination de Rome, Édom, Ésaü. Mais à ce que l'on appelle le renouvellement de toutes choses, et Jésus emploie cette expression. Quand le royaume de Dieu sera venu, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire, vous dominerez sur les 12 tribus d'Israël. Et ce jour-là, il y aura un renversement de situation. Rome, Édom sera assujetti au petit Israël. Donc ici, il n'y a aucun doute. Jésus identifie le quatrième royaume avec l'Empire romain. Et il annonce la fin de l'Empire romain. Ça veut dire l'accomplissement de cette prophétie où la petite pierre Israël se détache sans le secours d'aucune main pour frapper cette immense statue, cet immense Empire romain qui semble absolument stable et solide et que rien ne va pouvoir ébranler. Et on arrivera à cette situation entièrement paradoxale où, après la venue du royaume de Dieu, après le retour de Jésus en gloire, lorsque les 12 apôtres deviendront les chefs des 12 tribus d'Israël qui ont été rassemblées de l'exil, alors Rome sera assujettie, sera asservie à Israël. Jésus s'assiera sur le trône de David son père, comme l'ange Gabriel l'avait dit à Marie sa mère, et il régnera éternellement sur la maison d'Israël et de la maison d'Israël sur le monde entier. Alors, quand nous avons dit ça, il y a un autre problème qui se pose. Si nous arrivons à identifier ce quatrième royaume, ce quatrième empire avec Rome et Dôme, il y a un problème. À l'époque de Jésus, Rome existait. Il était au fait de sa puissance. Mais aujourd'hui, l'Empire romain, pour nous, c'est du passé. C'est une page d'histoire. Il n'y a plus d'Empire romain. Comment donc pouvons-nous comprendre cette prophétie et dire est-ce que cette prophétie a encore à voir avec notre temps? Là, les sages d'Israël nous ont dit des choses très intéressantes. Dans les premiers siècles de notre ère, ça veut dire à une époque où l'Empire romain a été encore au fait de sa puissance, en particulier au deuxième siècle. Et nous avons des textes, des commentaires rabbiniques sur cette prophétie de Daniel en particulier, qui nous disent ceci. Le quatrième empire, il a deux étapes. Une étape où il est entièrement de fer, donc il est monolithique. Le fer symbolise la puissance militaire, la puissance des légions romaines. Le fer, c'est le métal avec lequel on forge les armes de guerre. L'Empire romain, c'est un empire guerrier. Il doit sa puissance à ses légions. Et par conséquent, il est véritablement bien représenté au travers justement de ce quatrième métal qu'est le fer. Et les sages d'Israël ont constaté que selon la prophétie, l'Empire romain doit passer par un autre stade. Un stade où il va être mélangé, ce fer qui représente la puissance militaire, la force, va être mélangé avec l'argile. L'argile, c'est tout le contraire du métal. C'est la faiblesse. C'est quelque chose d'extrêmement précaire. Et deuxièmement, comme le dit le prophète Daniel au roi Nebuchadnezzar, l'alliance entre le fer et l'argile, c'est une alliance qui est contre nature. C'est une alliance qui ne peut pas se faire. Et c'est la raison pour laquelle cette situation de ce quatrième empire au dernier jour va le fragiliser et par conséquent va fragiliser toute la civilisation humaine qu'elle sous-tend. Alors maintenant, quand nous avons parlé du fer et nous avons dit c'est l'Empire romain, il y a une autre question qui se pose. L'argile, c'est quoi? Restons un peu encore sur le fer pour dire ceci. Le fer, il va aussi se diviser en un certain nombre d'orteils. 10 orteils très exactement. 10 orteils que le prophète, comme nous l'avons dit tout à l'heure, assimile avec 10 royaumes, encore une fois, 10 n'étant pas un chiffre exhaustif. Un certain nombre de royaumes. Or, au deuxième siècle, qui était l'époque de l'apogée de l'Empire romain, des commentaires juifs de cette époque nous disent « Il viendra un temps où l'Empire romain va se diviser en un certain nombre de royaumes. » Et c'est ce qui s'est produit au 5e siècle, tous les historiens vous le disent, au moment de ce qu'on appelle les invasions barbares. L'Empire romain s'est désintégré pour former l'Europe composée de différents États telle qu'elle a existé jusqu'à notre époque. Et c'est la raison pour laquelle, quand les sages lisent dans les prophéties le mot Édom, Édom, qui doit jouer selon les prophéties telles que les prophéties d'Isaïe 63, prophéties de, comment si on appelle ça en français, Agé, je sais pas si le prophète Agé, le prophète, etc., d'autres prophètes aussi, Édom doit jouer un rôle extraordinaire au temps de la fin. Or, historiquement, Édom était un petit royaume qui a disparu 73 ans avant Jésus-Christ. Comment donc Les prophéties peuvent-elles s'accomplir? Et comment Édom peut-il jouer ce rôle important puisqu'il n'existe plus depuis maintenant plus de 2000 ans? L'interprétation est sage, c'était que Édom, c'est le nom du quatrième royaume, qui n'existait pas à l'époque de Daniel, donc Daniel et les prophètes ne pouvaient pas le nommer. Alors ils l'ont appelé Édom. Et ce quatrième empire, c'est l'Europe qui va sortir de cette division de l'Empire romain en 10 orteils, comme nous l'avons vu. Maintenant, c'était quelque chose qui, quand j'étais jeune, et que nos pasteurs nous enseignaient ces choses déjà, en tant qu'étudiant en histoire, il y avait quelque chose qui me gênait. C'est que l'Empire romain, il s'étendait sur les deux rives de la Méditerranée. Et l'Europe, elle ne s'étend que sur la rive nord de la Méditerranée. Par conséquent, l'Europe, elle ne représente que la moitié de l'Empire romain. La deuxième partie de l'Empire romain, c'est le Moyen-Orient. Et là, justement, je ne connaissais pas à cette époque-là les commentaires des sages. Les sages ont dit ceci. L'argile, c'est une expansion de l'Empire romain. Mais c'est une expansion de l'Empire romain qui va être marquée par une identité entièrement différente de celle de l'Empire romain. Dans la fin du livre du prophète Daniel, nous retrouvons cette alliance contre nature entre ce que le prophète appelle le roi du nord et le roi du sud. Deux rois, et notamment dans le chapitre 10 du livre du prophète Daniel, nous voyons ces deux empires, l'empire du nord et l'empire du sud, qui tentent de s'allier et qui s'allient par des alliances humaines. Mais chaque fois que ces alliances sont sur le point d'être conclues, elles échouent. Il y a une rivalité, un antagonisme fondamental entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, et pourtant il y a une volonté de part et d'autre de surmonter cet antagonisme en raison d'intérêts personnels. Et c'est la raison pour laquelle nous est dit ces deux rois se parlent avec duplicité. Ils essayent de se tromper mutuellement, pour des raisons justement d'intérêt personnel. Donc dès le départ, dans cette alliance-là, les dés sont pipés, de la même manière que l'argile et le fer ne peuvent pas s'accorder entre eux. Au Moyen-Âge, il y avait un commentateur juif qui s'appelait Abrabanel, qui a identifié l'argile. Le roi du Sud, le roi du Nord, il a dit, c'est Édom, l'Europe, et plus particulièrement l'Europe aussi marquée par un christianisme apostat. Ça aussi c'est intéressant dans la tradition juive. Et par conséquent, il y aura à l'intérieur de cet empire romain un schisme religieux, a dit Abrabanel. Et de ce schisme religieux naîtra une religion rivale à la religion de cet empire d'Édom, l'islam. L'islam est une excroissance de l'Empire romain. Et dans le temps de la fin, l'Empire chrétien et l'Empire islamique, c'est comme ça qu'il le décrit, chercheront à s'allier. Ils sont proches, parce que finalement l'islam, c'est une espèce de hérésie chrétienne, disons les choses comme ça. Mais il y aura un tel antagonisme entre eux que comme l'argile et le fer n'arrivent pas à s'unir, eh bien, elles chercheront à s'unir en vain. Il y a quelques années de cela, c'était en 1975, qu'a eu lieu à Venise une première rencontre entre les chefs d'État de l'Europe et les représentants de la Ligue arabe. C'était le président de la République française de l'époque, M. Giscard d'Estaing, qui avait pris l'initiative de cette rencontre. Et là, ont été publiés des accords secrets qui ne le sont plus, mais qui l'étaient à l'époque, que l'on a appelé les accords Eurabia, c'est-à-dire une intégration des deux rives de la Méditerranée, de l'Europe et de l'Islam, une intégration sur le plan culturel, sur le plan démographique. Ça veut dire que l'Europe acceptait d'ouvrir ses portes à l'immigration illimitée des gens qui venaient du Moyen-Orient. Intégration culturelle et aussi intégration politique. Et ces accords Eurabia que vous pourrez trouver dans un livre qui a été écrit par une de mes chères amies qui signe Batior, il y avait un petit article fort intéressant qui disait ceci. En ce qui concerne la politique moyen-orientale par rapport à l'État d'Israël, les représentants de l'Europe s'engagent à aligner leur politique sur celle de la Ligue arabe. Ça vous explique pourquoi nos pays d'Europe sont anti-sionistes aujourd'hui. Encore une fois, pendant un certain nombre d'années, ces accords sont restés secrets. Et depuis quelques années maintenant, ils ont été officialisés. On n'appelle plus ça les accords Eurabia, on appelle ça le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, dont l'ex-président de la République, M. Sarkozy, était l'un des plus ardents protagonistes. Et à l'heure actuelle, cette union dont a parlé le prophète Daniel, cette union entre le fer et l'argile, est en train de s'accélérer à grands pas. Et nous sommes ici exactement dans ce qui avait été annoncé par les sages d'Israël, ce qui me stupéfie quand je lis ces commentaires. C'est de constater que ces gens qui vivaient dans un temps où l'islam n'existait pas encore, deuxième siècle après Jésus-Christ, où l'Empire romain était encore au sommet de sa puissance, ont pu annoncer, à partir des textes bibliques qu'ils ont scrutés, ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Alors certains me diront, et on me fait parfois cette critique, alors ces gens étaient-ils inspirés par le Saint-Esprit alors qu'ils ne connaissaient pas Jésus qui l'avait rejeté? Pourquoi pas? D'abord, ils étudiaient la Bible, et la Bible laissait entendre des choses comme cela. Et on peut être, c'était des gens qui adoraient le Dieu d'Israël, et pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre jusqu'à un certain point un certain nombre de réalités qui ont échappé parfois à des commentateurs chrétiens qui, eux, n'avaient pas accès aux textes originaux, notamment en hébreu ou en araméen, puisqu'une partie du livre de Daniel est écrite en araméen. Par conséquent, ici, nous pouvons identifier ce quatrième empire. Quelle sera la fin de ce quatrième empire? Elle nous est décrite dans le chapitre 11 et le chapitre 12 du prophète Daniel. Et le texte du chapitre 12, verset 1er, je ne le lis pas pour gagner un peu de temps, vous le relirez vous-même tranquillement, nous dit que dans les temps de la fin, le roi du nord et le roi du sud fondront sur Israël et assiégeront Jérusalem. Et ça, Daniel reprend un thème qu'on trouve chez de nombreux autres prophètes. On trouve ça déjà chez Ésaïe, on trouve ça aussi surtout chez Zacharie, chapitre 11, chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. La grande montée des nations au temps de la fin contre Jérusalem pour le détruire. Vous trouvez ça aussi dans le livre des psaumes. Par exemple, au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se liguent et les princes se rassemblent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Et les commentateurs juifs ont dit, ça, c'est de la guerre finale dont il est question. Au temps de la fin, dans un contexte d'apostasie sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, les nations se révolteront contre Dieu, se révolteront contre la loi de Dieu, contre la Torah, nous trouvons ça aussi au centre du livre du prophète Daniel, nous aurons l'occasion d'y revenir, contre le Messie d'Israël, et en dernier ressort, contre Israël lui-même. Ça veut dire, il y aura d'abord une révolte spirituelle. On rejettera Dieu et on rejettera sa Torah. Et cette révolte spirituelle dérivera et aboutira à une révolte militaire. Cette haine de Dieu et du peuple qui incarne la révélation biblique sera telle que ces nations monteront pour détruire ce qui est l'ultime témoignage de la puissance de Dieu, puisqu'on ne peut pas atteindre Dieu, le peuple d'Israël. Dans le chapitre 7 du prophète Daniel, sur lequel nous reviendrons, nous verrons que ce quatrième empire, il essaiera même d'atteindre le sanctuaire céleste. C'est impossible, bien sûr. Mais ne pouvons pas atteindre par ces blasphèmes le sanctuaire céleste et les blasphèmes aujourd'hui contre Dieu, contre la parole de Dieu, ils sont omniprésents. Il suffit d'écouter les radios, les télévisions et voir que constamment la Bible, les choses de Dieu sont traînées dans la boue. Blasphème. Révolte contre Dieu. Ne pouvant atteindre le sanctuaire céleste, cette quatrième bête tentera d'anéantir ce qui est le dernier vestige de la puissance de Dieu, le peuple d'Israël. Et c'est alors qu'il y aura cette alliance contre nature, où ces deux empires, l'empire du Nord et l'empire du Sud, s'allieront dans un même dessein, anéantir le peuple d'Israël. Et le chapitre 12 du prophète Daniel nous montre ce que sera l'issue de ce combat. De la même manière que le fer et l'argile ne s'allient pas, nous est-il dit ici, ces deux empires se brouilleront sur les murs de Jérusalem. Au moment de lancer le combat décisif, le combat final, il y aura entre eux des dissensions qui éclateront. Et plutôt que de s'attaquer à Israël, ils s'attaqueront les uns les autres. Il y aura guerre entre ces deux empires sous les murailles de Jérusalem. C'est un thème que vous retrouvez chez d'autres prophètes. Par exemple, dans le chapitre 39 du livre du prophète Ézéchiel, dans ce qu'on appelle la guerre de Gog. Où Gog, qui est finalement la même entité que celle qu'a décrite le prophète Daniel, une coalition de nations qui monte contre Jérusalem au temps de la fin. Et c'est alors que Dieu envoie des disputes entre les différentes nations qui composent cette coalition de Gog. Et finalement, elles s'auto-détruisent les unes les autres. Et puis ensuite, Dieu y met du sien. Il envoie des pierres qui tombent du ciel, il envoie le feu, comme il avait fait à Sodome, et c'est la dispersion de cette immense coalition. Voyez-vous, nous avons ici des événements qui sont décrits il y a des siècles, à une époque où le contexte de l'époque, le contexte géostratégique de l'époque, était absolument différent du nôtre. Où, humainement parlant, des choses comme celles que nous vivons aujourd'hui étaient absolument imprévisibles et je dirais même absolument impensables. Et pourtant, Daniel, les prophètes et ensuite ceux qui ont commenté ces textes ont pu annoncer avec une précision qui nous fait froid dans le dos ce que nous sommes en train de vivre et ce qui est en train de se préparer dans les temps qui viennent en ce qui nous concerne. Comment ne pas voir justement qu'il y a là une puissance extraordinaire de Dieu. Dans ce temps-là, nous avons lu hier, ce sera ma conclusion. Ce livre qui était cacheté, ce livre qui était scellé. Ce livre que le prophète Daniel ne pouvait pas comprendre parce que les circonstances de son temps étaient tellement différentes des nôtres qu'il était dans cette situation où il dit « J'entendis, mais je ne compris pas ». Et l'ange lui dit « Scelle ces choses, Daniel, car elles se rapportent à des temps éloignés. Dans ce temps-là, la connaissance augmentera. » Ça veut dire « La compréhension de ces choses augmentera ». Et nous sommes dans ces temps où le Seigneur Jésus, comme l'avons dit hier, fait sauter ces sceaux de ce livre scellé. Nous ne sommes peut-être pas encore capables de tout comprendre. J'ai parlé des chiffres mystérieux hier, par exemple. Mais c'est comme un livre qui se déroule petit à petit et qui devient de plus en plus compréhensible, de plus en plus lisible. Ceux qui seront clairvoyants comprendront. Mais aucun des méchants ne comprendra. Dieu veut que nous comprenions ces choses. Heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Car à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et à eux, cela ne leur a pas été donné. Et à la fin de son propos, Jésus pose une dernière question à ses disciples. Et ce sera mon dernier mot. « Avez-vous compris ces choses ?»« Oui, » dirent-ils. Et Jésus répond, « Vous êtes heureux, à condition que vous en tiriez les conséquences, que vous les mettiez en pratique. » Le Seigneur nous révèle ces choses non pas pour satisfaire une vaine curiosité, mais pour que nous puissions adapter notre conduite en fonction de ces temps qui viennent. Et quand Jésus lui aussi termine ses commentaires dans le grand discours sur le mont des Oliviers, il déclare ceci. Priez donc et veillez en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses qui arriveront et afin de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Et c'est la chose qui nous est demandée. Que nous réalisions que ces événements sont proches. Alors, proche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il est certain que nous vivons dans des temps extrêmement difficiles, en même temps des temps extrêmement délicats, où il faut avoir une attitude spirituelle juste. J'aurai l'occasion de vous parler, Dieu voulant, dans les jours qui viennent, de l'apostasie, qui est une des marques aussi du temps de la fin. Cette apostasie, Jésus l'a aussi dépeinte sous la forme d'un assoupissement spirituel. Cet assoupissement qui est aussi aujourd'hui en train de gagner l'essentiel du monde chrétien. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que le peuple de Dieu se réveille, qu'il prépare ses lampes et qu'il aille à la rencontre de l'Époux. Voici l'Époux, allez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle du festin, les autres restèrent dehors, là où il y avait des pleurs et des grincements de dents. Voici l'Époux, allé à sa rencontre. Paul disait, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru, c'est le moment de vous réveiller enfin de votre sommeil. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com